tu ne partiras jamais de pas. Je te le dis, je te promets. Toi pas, toutes les lanternes sont allumées. Je t'attends comme autrefois dans tous les coins du vieil regard. Toutes les lanternes sont allumées, je t'attends comme autrefois à tous les coins du vieil regard. Notre histoire éternelle est vieille et nouvelle, rien de plus simple et rien de plus. Le labyrinthe t'engloutira. Trois pas, tu ne pourras jamais me retrouver, car je t'attends par là, dans un autre coin du vieil regard. Tu ne pourras jamais me retrouver, car je t'attends par là, dans un autre coin du vieil regard. Notre histoire et vieille et nouvelle, rien de plus simple et rien de plus vrai. Nous sommes perdus dans ces tu ne partiras jamais de pas. Je te le dis, je te promets. Trois pas, toutes les lanternes sont allumées. Et je t'attends comme autrefois dans tous les coins du vieux regard. Toutes les lanternes sont allumées. Et je t'attends comme autrefois à tous les coins du vieux regard. Essaye-toi.